الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala intitulé Al-Aqidatul Wasitiyah, et dans lequel il a exposé les points essentiels de la croyance du groupe sauvé. Nous allons essayer de terminer aujourd'hui la partie concernant l'affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tirés du Coran. L'auteur rahimahullah ta'ala a donc cité ici sept versets concernant l'attribut d'Al-Ma'iyya, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures. Et nous allons voir à travers les versets qu'il a mentionnés que cet accompagnement est de deux sortes. Il y a un accompagnement général qui concerne l'ensemble des créatures et un accompagnement particulier qui ne concerne que les croyants. Les deux premiers versets qu'il a mentionnés concernent l'accompagnement général. Le premier est le verset 4 de Surat Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » et il est avec vous, c'est-à-dire Allah est avec vous, où que vous soyez. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous de par sa science. Il nous surveille, il nous observe, il témoigne de nos actes où que nous soyons. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu sois sur terre ou en mer, que ce soit la nuit ou le jour, que tu sois dans une maison ou dans un lieu retiré ou un lieu désertique, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi de par sa science. Tu es sous sa surveillance, sous son regard, sous son écoute. Il entend tes paroles subhanahu wa ta'ala. Il voit où tu es. Il sait ce que tu fais subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un accompagnement général qui concerne toutes les créatures sans exception. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala Wallahu bima ta'amaluna basir. Et Allah voit ce que vous faites. C'est-à-dire rien ne lui échappe parmi vos actions. Il est avec vous. Il vous voit, il vous observe. Il sait ce que vous faites, où que vous soyez. Le deuxième verset, qui concerne également l'accompagnement général, est le verset 7 de Surat Al-Mujadila, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. Il n'y a pas de conversation secrète entre trois, c'est-à-dire entre trois personnes, sans qu'il ne soit leur quatrième. ولا خمسة إلا هو سادسهم. Ni entre cinq, sans qu'il ne soit leur sixième. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe très clairement ici que toute discussion secrète, toute confidence qui peut être échangée entre des personnes, Allah subhanahu wa ta'ala se trouve alors avec ces gens, c'est-à-dire qu'il entend parfaitement les paroles qu'ils échangent et ses confidences. Et les nombres mentionnés dans le verset ne sont pas visés. C'est d'ailleurs pour cela qu'il dit ensuite « ni moins ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux ». Peu importe le nombre de personnes, même si tu es seul, même s'il y a 100 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement quelles sont les paroles, quelles sont les conversations secrètes et quelles sont les confidences qui sont échangées. Il est avec eux de par sa science et rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ensuite, il les informera de ce qu'ils faisaient au jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'ils seront informés de leurs actes et ils seront rétribués en fonction de ces actes, bons ou mauvais. Et ceci est une menace. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici qu'il est avec ses créatures d'un accompagnement général dans le sens où il sait parfaitement ce qu'ils font, il entend parfaitement ce qu'ils disent, il voit chacune de leurs œuvres. Et donc, il les informera de cela au jour de la résurrection. Et ils seront rétribués en fonction de ses actes. Inna Allaha bikulli shay'in 'alim. Allah sait certes parfaitement toute chose. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces deux versets, nous avons l'affirmation claire de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle al-ma'iyah, que l'on peut traduire approximativement par l'accompagnement. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec l'ensemble de ses créatures dans le sens où il les cerne de par sa science. Il sait parfaitement l'ensemble de leurs œuvres. Il les voit, il les entend. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné des autres versets qui concernent al-ma'iyatul khassa, l'accompagnement particulier, celui qui est réservé aux croyants. Et il a commencé par mentionner le verset 40 de Surat al-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La tahzan, inna Allah ma'ana. » Ne sois pas triste, ne t'afflige pas. Certes, Allah est avec nous. Cette parole, elle a été prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son noble compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu lors de l'émigration vers Médine, alors qu'il se trouvait caché dans la grotte et que les polythéistes étaient à leur recherche. Lorsqu'Abu Bakr radiyallahu anhu vit que ces derniers s'approchaient d'eux et qu'ils s'apprêtaient à les trouver, il fut affligé et pris de tristesse par peur que les mécréants causent du tort ou portent préjudice au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La tahzan, ne sois pas triste, délaisse cette tristesse et cette affliction. Inna Allah ma'ana. Certes, Allah est avec nous. » Qu'est-ce que cela signifie « Allah est avec nous » C'est-à-dire qu'il va nous soutenir, il va nous secourir, et il va nous aider contre ces polythéistes. Et celui qui a Allah subhanahu wa ta'ala avec lui, nul ne pourra avoir le dessus sur lui. Et si nul ne peut avoir le dessus sur lui, alors il n'a aucune raison de s'attrister. Il y a donc dans ce verset l'affirmation de cet attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-ma'i al-khassa, l'accompagnement particulier qui est réservé aux croyants et qui implique l'aide et le soutien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'avoir foi en cet attribut va faire augmenter ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ta confiance en lui. Lors des épreuves et des difficultés, tu vas t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, te rapprocher de lui par les bonnes actions, en ayant la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les croyants, comme on va le voir dans les autres versets. Donc il a mentionné ensuite le verset 46 de Surat Taha, qui est un verset que l'on a déjà vu lors de la lecture des versets concernant les attributs de l'ouïe et de la vue, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en s'adressant à Moussa et Haroun, alayhim assalam, lorsqu'il leur a ordonné de se rendre vers Pharaon, « Innani ma'akuma, je suis avec vous, asma'u wa ara, j'entends et je vois. » N'ayez pas peur de Pharaon. Pourquoi? Car je suis avec vous. Je vais vous soutenir, je vais vous aider. Je vais vous apporter mon soutien contre Pharaon. J'entends vos paroles et j'entends les siennes, et je vois. Je vois où vous vous trouvez, je vois ce que vous faites, et il en est de même le concernant. Et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset concerne également cet attribut al-ma'iyatul khassa, l'accompagnement particulier qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses alliés parmi ses serviteurs, et ce en leur accordant son secours et son aide contre leurs ennemis. Et il y a dans ce verset, comme on l'a vu précédemment, l'affirmation des attributs de l'ouïe et de la vue. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le verset 128 de Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinoun. » Certes, Allah est avec ceux qui font preuve de piété et ceux qui sont bienfaisants. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec toi, c'est-à-dire si tu veux qu'il te secoure, qu'il t'apporte son aide et son soutien, alors voici les caractéristiques desquelles tu dois te parer. Allah est certes avec ceux qui font preuve de piété, c'est-à-dire qui délaissent les interdits et les péchés de toutes sortes, et ceux qui sont bienfaisants, c'est-à-dire qui s'appliquent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et accomplissent ce qui leur a été ordonné de la meilleure manière. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux, il les aide, il les secourt, il leur apporte son soutien. Donc sois parmi les pieux et les bienfaisants, et Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le verset 46 de Surat al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wasbiru inna allaha ma'a sabirin » et patientez, faites preuve d'endurance. Et ce qui est visé ici plus particulièrement, c'est les difficultés rencontrées par les croyants lors des combats et des guerres entre les musulmans et les mécréants. Patientez, faites preuve d'endurance. Car certes, Allah est avec les patients, est avec les endurants. C'est-à-dire qu'il les secourt et il leur apporte son aide, subhanahu wa ta'ala. Et dans toute chose dans laquelle il convient de patienter, si tu fais preuve de patience, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi. Nombreux sont ceux à subir des injustices, à subir des préjudices et des torts causés par autrui. Mais si tu fais preuve de patience, tout en veillant à te comporter de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi. C'est-à-dire qu'il va t'aider et il va te secourir. Tu n'as donc rien à craindre si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Mais il convient de te parer de cette qualité qui est la patience. Sabr. Que tu ne prononces aucune parole s'opposant à la patience, que tu ne t'indignes pas, que tu ne te révoltes pas contre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, que ce soit par ta langue ou dans ton cœur, et que tu ne commettes pas d'actes interdits en raison de cette épreuve. Tu ne te frappes pas le corps, tu ne casses pas ce qu'il y a autour de toi ou autre chose semblable. Donc si tu patientes, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi. Il t'apportera son secours, son aide et son soutien, subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, il nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui patientent sur son obéissance, qui persévèrent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et plus particulièrement avec ceux qui luttent sur son sentier. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le verset 249 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kam min fi'atin qalila, ghalabat fi'atan kathira » et combien de troupes peu nombreuses ont vaincu des troupes nombreuses, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, c'est-à-dire par sa volonté et son décret. Wallahu ma'as-sabirin. Et Allah est avec les patients. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah, a mentionné ce verset ici. Allah est avec les patients. De par al-ma'iyatul khassa, l'accompagnement particulier, le secours et l'aide qu'il accorde aux serviteurs endurants qui luttent sur son sentier, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit à travers tous ces versets que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité, qu'al-ma'iyah, l'accompagnement, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on se doit d'affirmer d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et on a compris à travers ces versets que cette ma'iyya est de deux sortes. La première est al-ma'iyatul 'amma, l'accompagnement général qui concerne toutes les créatures et qui implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne ses créatures, qu'il sait parfaitement quelles sont leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et qu'il les rétribuera en fonction de ses œuvres. La deuxième catégorie, c'est al-ma'iyatul khassa, l'accompagnement particulier qui est réservé aux serviteurs croyants et qui implique l'aide, le soutien, le secours, la protection, la préservation et ainsi de suite. Et concernant cet attribut, il est à souligner qu'il ne s'oppose pas avec l'attribut de l'élévation que l'on a vu dans le cours précédent. On a vu de nombreux versets démontrant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de ses créatures et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Malgré cela, il est avec ses créatures subhanahu wa ta'ala d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est semblable à lui et il est celui qui entend et celui qui voit. Donc, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'oppose pas à son accompagnement, à ses créatures, et il n'y a pas de contradiction entre ces deux attributs qui sont confirmés pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu à travers les différents versets que l'auteur rahimahullah ta'ala a cités. Ensuite, il est passé à la mention de plusieurs versets concernant l'attribut de la parole, al-kalam, qui fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mentionné à ce sujet 16 versets du Coran. Le premier est le verset 87 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » Et le deuxième est le verset 122 de la même surat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا » Ces deux versets, si vous revenez à la traduction rapprochée des sens des versets du Coran, vous verrez qu'ils sont tous deux traduits par « et qui est plus véridique qu'Allah en parole ». Toutefois, les deux termes qui sont mentionnés sont deux termes différents. Dans le premier, « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » c'est-à-dire en discours, en information, subhanahu wa ta'ala. Et dans le deuxième, « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا » c'est le mot « qil » qui est employé ici, qui provient du verbe « قَالَ يَقُولُ » il dit, le fait de dire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nul n'est plus véridique que lui en parole. Et entre dans cela le hadith et le qil qui font partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous confirment l'attribut de la parole. Ensuite, il a mentionné le verset 116 de Surat al-Ma'idah, ou plutôt les premiers mots de ce verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ » Et lorsqu'Allah dira « Ô Isa, fils de Maryam » c'est-à-dire lorsqu'il lui dira cela au jour de la résurrection. Donc comme les deux versets précédents, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise une chose à Isa nous démontre que la parole fait partie de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a mentionné le verset 115 de Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا » Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. En toute vérité dans ses informations et en toute équité dans ses jugements, subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, comme les précédents, nous démontre l'affirmation de l'attribut de la parole. Ensuite, il a mentionné le verset 164 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Et Allah a parlé à Moussa, alayhi salam, de vive voix. Et ceci est un honneur pour Moussa, alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait parlé, c'est-à-dire qu'il lui a fait entendre sa parole. Et c'est pour cela qu'il est appelé Kalimullah, celui à qui Allah a parlé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a précisé ici qu'il lui a parlé taklima, ce qui est traduit par de vive voix, et ce afin d'insister sur le fait que ce qui est visé par la parole ici n'est pas une image, mais il lui a réellement parlé, subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset nous confirme l'attribut de la parole. Ensuite, il a mentionné, toujours en ce sens, le verset 253 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des messagers, alayhimu salatu wassalam, minhum man kallam Allah. Parmi eux, il y en a à qui Allah a parlé. C'est-à-dire à qui il a fait entendre sa parole sans intermédiaire. Comme il l'a fait pour Moussa alayhi salam, comme on l'a vu dans le verset précédent, et aussi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de l'ascension. Et également à Adam alayhi salam, comme on le retrouve dans plusieurs versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce verset nous prouve également l'affirmation de l'attribut de la parole et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à certains de ses messagers, alayhimu salatu wassalam. Ensuite, il a mentionné le verset 143 de Surat al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا » Et lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous, « وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ » et que son Seigneur lui a parlé, lui a fait entendre sa parole sans intermédiaire. Donc ceci nous montre encore qu'il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il parle. Il parle quand il veut, de la manière qu'il veut, de par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et il a parlé à Moussa alayhi salam sans intermédiaire. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 52 de Surat Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ » Et nous l'avons appelé du côté droit du mont, c'est-à-dire du mont Sinaï. Et il est question ici de Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé. Et « an-nida » en arabe, l'appel, désigne le son élevé. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala « وَقَرَّبْنَاهُ » et nous le fîmes approcher. « Najiya » tel un confident, c'est-à-dire « munajiyan » et « al-munaja » c'est le contraire d'al-munada. C'est-à-dire que l'appel, al-munada, c'est une chose qui est faite à voix élevée, alors qu'al-munaja, c'est ce qui est fait à voix basse. Donc il y a dans ce verset l'affirmation de l'attribut de la parole pour Allah subhanahu wa ta'ala et également l'attribut d'an-nida et d'al-munaja, comme cela est venu clairement dans ce verset. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le verset 10 de Surat al-Shu'ara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ اِتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » Et lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste. Donc il y a encore l'affirmation de l'attribut de la parole et qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle qui il veut parmi ses serviteurs et leur fait entendre sa parole. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala comme l'auteur rahimahullah a mentionné dans le verset 22 de Surat Al-A'raf وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا et leur Seigneur les a appelés, c'est-à-dire Adam et Hawa, alayhim assalam. Alam anhakuma an tilkuma shajara. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Adam et Hawa et il leur a dit cette parole. Selon le sens, ne vous avais-je pas interdit cet arbre? C'est-à-dire, ne vous avais-je pas interdit de manger de cet arbre? Il leur dit cela à titre de blâme, subhanahu wa ta'ala, car il les avait avertis contre cela. Donc, ce verset nous prouve aussi que la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a appelé Adam et son épouse Hawa alayhim assalam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous mentionne le verset 65 de Surat al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ » Et le jour où il les appellera, c'est-à-dire le jour de la résurrection, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala appellera les polythéistes, il leur dira « فَيَقُولْ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ » Et il leur dira « Qu'avez-vous répondu aux messagers ?» Quelle était votre réponse aux messagers qui vous ont été envoyés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vous ont transmis son message? Et ce que l'on retient ici, c'est qu'il y a dans ce verset, comme dans les versets précédents, l'affirmation de l'attribut de la parole pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il appellera certaines de ses créatures au jour de la résurrection. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un verset nous démontrant que le Qur'an est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le verset 6 de Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ Et si un des polythéistes, parmi ceux qu'on t'a ordonné de combattre, te demande asile, c'est-à-dire si un des polythéistes demande asile au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui demande d'être placé sous sa protection et en sécurité, alors accorde-lui, mets-le en sécurité. Pourquoi ? حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ afin qu'il entende la parole d'Allah, qu'il entende de ta part la parole d'Allah, qu'il la médite et qu'il comprenne la voix à laquelle tu l'appelles. Donc il y a dans ce verset la preuve claire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce que l'on récite est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a mentionné le verset 75 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Et il y avait un groupe parmi eux, c'est-à-dire parmi les Juifs, qui entendait kalam Allah, la parole d'Allah, c'est-à-dire la Torah, qui fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui a été altérée par les Juifs. Puis, ils l'altèrent, ils lui donnent une interprétation erronée, après l'avoir comprise, c'est-à-dire après avoir compris la parole d'Allah. Ils s'y opposent sciemment. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Alors qu'ils savent. Ils savent qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils ont altéré les paroles. Donc, on retient de ce verset comme des versets précédents que la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la Torah fait partie de sa parole mais que les Juifs l'ont altérée et l'ont transformée et l'ont changée. Ensuite, il a mentionné le verset 15 de Surat al-Fath dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ » Ils voudraient changer la parole d'Allah. C'est-à-dire, ceux qui étaient restés en retrait parmi les Bédouins et qui avaient refusé de partir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'année d'Al-Hudaybiya et qui ont préféré rester auprès de leur famille. Ils voudraient changer la parole d'Allah. C'est-à-dire changer le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux gens d'Al-Hudaybiya le butin de Khaybar. Lorsqu'ils ont vu cela, ils auraient voulu changer la parole d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « قُلْ لَن تَتَّبِعُونَ » Dis, vous ne nous suivrez pas, c'est-à-dire jamais, ne nous suivez pas, c'est un ordre, une interdiction de les suivre. « كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ » C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà annoncé auparavant. C'est-à-dire, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens de l'Hudaybiyah que le butin de Khaybar leur est réservé exclusivement. Quoi qu'il en soit, ce verset nous démontre que la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-kalam, ainsi que al-qawl, le dire. Il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut, il dit ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il est interdit de changer ou d'altérer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est plutôt obligé d'y croire, de s'y soumettre, de les mettre en pratique et de les suivre. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 27 de Surat al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ » Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, nul ne peut les altérer, nul ne peut les faire disparaître. Quoi qu'il en soit, on retient de ce verset, comme des versets précédents, l'affirmation de l'attribut de la parole. Enfin, le 16e verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ici, est le verset 76 de Surat An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Certes, ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. En quoi ce verset nous démontre que la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le Coran provient d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est qu'il y a dans le Coran ce qui raconte aux enfants d'Israël, qui sont ceux qui ont reçu la Torah et l'Évangile, la Torah ou l'Injil, cela leur raconte la plupart des sujets sur lesquels ils divergent, comme leur divergence au sujet de Isa alayhi salam. Les Juifs ont menti à son sujet et l'ont méprisé, tandis que les chrétiens ont exagéré à son sujet. Et le Coran est venu démontrer la vérité au sujet de Isa alayhi salam, la parole du juste milieu. Qu'il est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a insufflée à Maryam, alayhi salam. Donc ce verset nous démontre que le Coran est la parole d'Allah, pour ce qu'il comprend comme science parfaite des livres précédents, et comme jugement dans les divergences entre les groupes des gens du livre, et ce avec équité. Et ceci ne peut avoir lieu que de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces versets que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés nous démontrent très clairement que la parole fait partie des attributs d'Allah. Et telle est la voix des gens de la sunna et du groupe, qui affirment pour Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même affirmé dans son livre, ou tout ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans sa sunna authentique, sans négation, sans altération, sans comparaison et sans en chercher le comment. Et entre dans cela l'attribut de la parole. La parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra, inshallah, dans un cours prochain, la croyance des contradicteurs à ce sujet ainsi que la réfutation de leur credo. Car l'auteur, rahimahullah, a réservé un chapitre particulier concernant le fait que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée. Après cela, étant donné qu'il nous a mentionné que la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le Coran fait partie de sa parole, il a mentionné quelques versets nous démontrant que le Coran descend de lui, c'est-à-dire qu'il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qui l'a fait descendre. Le premier verset est le verset 155 de Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ » Et ce livre, comment est-il ? Nous l'avons fait descendre et il est béni. Il l'a décrit de par ses deux caractéristiques. La première est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre. Et les mécréants reniaient cela. Et il a affirmé également que c'est un livre béni, c'est-à-dire qu'il comprend la bénédiction en abondance pour ce qu'il contient comme profit religieux et mondain. Ensuite, il a mentionné le verset 21 de Surat al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ » Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne malgré sa dureté et sa fermeté, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il attire notre attention sur l'immensité de son livre et sur le fait qu'il convient aux croyants de faire preuve d'humilité, que son cœur s'humilie à l'écoute du Coran. En effet, cette montagne, malgré sa dureté et sa fermeté, si elle comprenait le Coran et que le Coran était descendu sur elle, elle se serait humiliée et fendue par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte de son châtiment. Alors qu'en est-il de nous qui comprenons le Coran? Nos cœurs ne devraient-ils pas s'humilier et s'adoucir à l'écoute du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment se fait-il que la mention des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'apaise pas nos poitrines, n'adoucisse pas nos cœurs, ne nous mette pas à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'on comprend ces versets, ce qu'ils contiennent comme ordre, comme menace, comme promesse? Mais pour comprendre cela, ceci nécessite de notre part de la méditation. Wallahu al-musta'an. Quoi qu'il en soit, il y a dans ce verset la preuve que le Coran a été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a mentionné les versets 101 à 103 de Surat al-Nahl, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً » Et quand nous remplaçons un verset par un autre. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va réfuter une ambiguïté relevant de la mécréance concernant le Coran. Lorsque nous remplaçons un verset par un autre, c'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala abroge un verset et le remplace par un autre verset. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Et Allah sait parfaitement ce qu'il fait descendre. Qalu innama anta muftar. Ils disent tu n'es qu'un menteur. C'est-à-dire les polythéistes de Quraysh, ignorant la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'abrogation de certains versets, disent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que c'est un menteur, qu'il invente des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala. Bal aktharuhum la ya'lamun. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils n'ont aucune science à la base. Et ils ne savent pas pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala abroge certains versets et les remplace par d'autres. Car il y a en cela de grands intérêts dont Allah subhanahu wa ta'ala a parfaitement connaissance. En effet, il se peut qu'une chose, qu'il légifère, est un intérêt temporaire. Donc il a légiféré certaines choses au moment de la descente du livre, de manière temporaire, puis ensuite a changé ses jugements pour un intérêt et une sagesse dont il a parfaitement connaissance, subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne provient pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette ambiguïté, cette accusation à l'encontre de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, « قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ » Dit, c'est l'esprit pur qui l'a fait descendre, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam. Il l'a fait descendre d'où ?« Mir Rabbik » de ton Seigneur. « De la part de ton Seigneur. » « Bil haqq » en toute vérité. « لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » Afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Ensuite il dit, subhanahu wa ta'ala, « وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرًا » Et nous savons parfaitement qu'ils disent « Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. » C'est-à-dire que les mécréants disaient qu'il y avait quelqu'un qui venait enseigner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Ils disaient que ceci n'était pas une révélation de la part d'Allah par l'intermédiaire d'un ange. Mais ils prétendaient que c'était un homme qui avait étudié la Torah et l'Évangile et les livres étrangers, non arabes, et étant donné que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme illettré, il ne pouvait pas venir avec ce qui était mentionné dans le Coran parmi les informations des communautés précédentes. Donc ils ont prétendu que c'était quelqu'un d'une autre communauté qui venait lui enseigner cela, quelqu'un parmi les hommes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette ambiguïté et a dit « لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي » La langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, c'est une langue non arabe. « وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّبِينٌ » Et celle-ci est une langue arabe bien claire. Le Coran est en langue arabe bien claire, des plus éloquentes. Donc comment pouvez-vous prétendre qu'un homme non arabe viendrait enseigner cela au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que vous-même, vous êtes arabe et vous n'êtes pas capable de venir avec certaines sourates ou même ne serait-ce qu'une sourate semblable à ce livre. Comment un non arabe pourrait-il faire cela? Donc on retient de ces versets que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné que le Coran est descendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Coran est sa parole et ce n'est pas la parole d'autre que lui, ni parmi les anges, ni parmi les hommes. Et il y a en cela la réfutation de ceux qui ont prétendu que le Coran est une parole créée. Et on verra plus de détails à ce sujet dans un cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Et il y a également dans ces versets la preuve de l'affirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il a fait descendre le Coran. Et une chose qui descend, ne descend que de ce qui est plus haut. Donc, ceci nous amène un argument de plus concernant l'attribut de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné 4 versets concernant le fait que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection, comme cela est venu clairement dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Les premiers versets qu'il a mentionnés sont les versets 22 et 23 de surat Al-Qiyamah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah » Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, c'est-à-dire les visages des croyants, qui seront lumineux, étincelants. « Ila rabbiha nadhira » qui regarderont leur Seigneur. Ils regarderont de par leur vue leur Créateur subhanahu wa ta'ala. Et de nombreux hadiths authentiques sont venus à ce sujet, et les compagnons radiyallahu anhum, ainsi que les tabi'un et les salafs de cette communauté, sont unanimes à ce sujet. Et on verra plus de détails concernant cela également dans un autre chapitre. Le deuxième verset qu'il a mentionné est le verset 23 de Surat Al-Mutaffifin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant les croyants au jour de la résurrection, sur les divans ils regarderont, c'est-à-dire ils regarderont Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les mécréants seront privés de cette vision et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de sa grâce. Ensuite l'auteur rahimahullah a mentionné le verset 26 de Surat Yunus, Rükar Allah subhanahu ve teala dedi. Lillezine ahsanul husna ve ziyada. À ceux qui agissent bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. Ceux qui agissent bien, ceux qui ont fait preuve de bienfaisance, c'est-à-dire qui ont accompli ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de la meilleure manière et qui ont délaissé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit parmi les mauvaises actions et les péchés. Ceux-là auront la meilleure récompense. Et il a été dit que ce qui est visé par la meilleure récompense est Al-Jannah, le paradis. Ils auront donc le paradis waziyada, et même davantage. C'est-à-dire qu'ils auront en plus du paradis la grâce et la faveur de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est venu très clairement dans l'explication de ce verset par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala. Et les pieux prédécesseurs salaf sont unanimes à ce sujet. Donc ce verset nous démontre que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Et il en est de même concernant le dernier verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, qui est le verset 35 de Surat Qaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Lahum ma yasha'una fiha » Il y aura pour eux tout ce qu'ils voudront, c'est-à-dire au paradis. Les croyants auront tout ce que leur âme désire, tout ce qui réjouit leurs yeux parmi les délices et les bienfaits. Ils auront pour eux tout ce qu'ils voudront. « Waladayna mazid » Et auprès de nous, il y a davantage encore. Qu'est-ce qui est visé par cela? Cet ajout de bienfaits et de grâces et qu'ils pourront regarder le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces versets nous démontrent que les croyants auront cette faveur et cette grâce qui est le plus grand des délices dont ils jouiront au paradis, qui est de regarder le visage de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ceci est ce qui a été affirmé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons radiyallahu anhum et leurs disciples tabi'un, ainsi que l'ensemble des savants musulmans des imams de l'islam parmi les salaf. Contrairement à ceux qui se sont opposés à cela parmi al-Rafida, al-Jahmiya et al-Mu'tazila, qui ont renié la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala s'opposant ainsi au Coran, à la sunna et à l'unanimité des salaf, des prédécesseurs de cette communauté. Et ils ont amené certains arguments pour essayer de renier cela. Ils ont mentionné notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa alayhi salam dans Surat al-A'raf au verset 143 lorsqu'Allah a dit « Lantarani, tu ne me verras pas ». Ils ont dit ceci démontre très clairement que nul ne peut voir Allah. Et la réponse à cette ambiguïté, elle est très simple. Car ce qui est nié ici, c'est la vision dans ce bas monde. Et ceci ne s'oppose pas à la vision dans l'au-delà. Car les gens seront dans une situation différente dans l'au-delà que leur situation dans ce bas monde. Et ils ont mentionné aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 103 de Surat al-An'am. La tudrikuhu al-absar. Les regards ne peuvent le cerner. Les regards ne peuvent le cerner. Ils ont dit donc, ils ne peuvent pas le voir. Mais en réalité, ce verset est une preuve de l'affirmation de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a une différence entre la vision et le fait de le cerner du regard. Et ce qui est nié ici, c'est le fait de le cerner, subhanahu wa ta'ala. Donc les croyants le verront, mais ne le cerneront pas. Et on voit donc que cet argument qu'ils pensaient en leur faveur est en réalité un argument contre eux, car c'est une preuve de plus de l'affirmation que les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà, subhanahu wa ta'ala. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, termine ce passage en disant « وَهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَثِيرًا مَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ طَالِبًا لِلْهُدَى تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الْحَقِّ » Et les versets en ce sens dans le livre d'Allah sont nombreux. Et celui qui médite le Coran en recherchant la bonne voie lui sera clarifié la voie de la vérité. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a encore de nombreux versets dans lesquels sont affirmés les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, malgré que cela fait plusieurs cours que nous lisons les versets qu'il a mentionnés, et qu'il en a mentionné un grand nombre, il y en a encore bien plus dans le livre d'Allah. Il n'en a mentionné qu'une partie. Donc lorsqu'on lit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous convient de méditer à ce sujet, de méditer sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui y sont mentionnés, afin, comme nous le dit l'auteur, de rechercher la bonne voie. Et ainsi nous sera clarifiée la voie de la vérité à ce sujet, nous serons préservés des voies de l'innovation et de l'égarement. Et la méditation du Coran est une chose attendue du croyant, car c'est une des raisons de sa révélation. Kitabun anzalnahu ilayk mubarakun liyadabbaru ayati. C'est un livre que nous avons fait descendre vers toi. Il est béni afin qu'il médite ses versets. Afin qu'il médite ses versets. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha. Ne médite-t-il donc pas le Coran, ou bien il y a des cadenas sur les cœurs? Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question à ce sujet et veiller à méditer le livre d'Allah. Pas seulement le lire, pas seulement l'apprendre, mais le méditer. Comprendre ses sens, c'est ça le plus important. Comprendre ses sens afin de connaître ton Seigneur et mettre en pratique ce qu'il a révélé dans ce livre béni. Et entre dans cela la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs qui sont affirmés dans son noble livre. On a donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ce long passage du livre concernant l'affirmation des noms et des attributs d'Allah tiré du Coran, et dans le prochain cours nous commencerons, Inch'Allah, la partie suivante qui concerne les hadiths dans lesquels sont affirmés des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.